une histoire particulière. Élié est un moine du VIe siècle, originaire de Tongres, en Belgique, qui devint ermite à Jersey et donna son nom à Saint-Élié, principale paroisse de l'île. Élié s'était installé sur un rocher dans la baie de Saint-Aubin, d'où il voyait les voiles des navires des pirates au loin et pouvait signaler aux habitants de se sauver. Après 13 ans de prières et de miracles, les pirates finirent par s'emparer de l'ermite et le décapitèrent. Selon la légende, le saint prit sa tête dans ses mains et les pirates terrorisés s'enfuirent. Son corps fut retrouvé et ses reliques reposèrent à Beaubec-la-Rosière en Normandie jusqu'à la destruction de l'abbaye pendant la Révolution française. Aujourd'hui, nous sommes en 1960. Lénora Krief et François Test vous emmènent sur un petit bout d'arpent de terre entouré par les eaux, tout à côté de l'île de Jersey, pour vous raconter l'histoire d'un autre ermite qui ne portait pas forcément une auréole. L'ermite des Écréaux, par Lénora Krief et François Test. Aujourd'hui, la bête de Jersey. This is the story of Alphonse Legastinois, a man caught up in a web of circumstances. Pendant 14 ans, Alphonse a été l'ermite des Écréaux, exilé volontaire pour échapper à la vindicte et à la suspicion. L'histoire remonte à la fin des années 50. La quiétude légendaire de Jersey fut troublée par une série de crimes, de viols et de meurtres d'enfants. La police crut bien trouver le coupable, un ouvrier agricole un peu fruste et solitaire, qui s'appelait Alphonse. Les îles anglo-normandes, de véritables morceaux de France tombés dans la mer et ramassés par l'Angleterre. Ce sont les mots de Victor Hugo, qui y vécut en exil de 1851 à 1870. L'archipel normand est séparé en deux états distincts. D'un côté, le bailliage de Jersey, qui comprend Jersey, les Écréaux et les Minquiers, et de l'autre, le bailliage de Guernesey, fédérant Guernesey, Herme, Gétou, Cerques, Brécou, Aurigny, Burou, les Casquets, et chacun de ces deux états exerce sa propre gouvernance. Jersey, la plus grande des îles, n'est pas encore un paradis fiscal dans les années 50. Les habitants se consacrent principalement à la culture de la terre et vivent paisiblement, protégés de tout trouble extérieur. Et c'est dans ce contexte de quiétude que des rumeurs commencent à circuler sur l'île. La bête de Jersey, une affaire qui remonte au début des années 1960 et qui terrorisa les insulaires de Jersey pendant près de 11 ans. Philippe Renaud, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation de l'île de Jersey dans les années 50 ? Alors effectivement, ce fait divers, il faut le remettre dans le contexte des années 50 à l'île de Jersey. L'île de Jersey, à l'époque, elle vit tout à fait paisiblement. C'est un état indépendant, rattaché par certaines règles à la Grande-Bretagne, mais c'est un État indépendant qui a ses propres lois. C'est une démocratie, bien évidemment, dans laquelle tout le monde se connaît, les gens se saluent sur les routes, vivent tout à fait paisiblement. Il y a à l'époque 40, 50 000 habitants, pour l'essentiel tous natifs des îles, ils en fait leur scolarité. Bref, tout le monde se connaît, tout le monde vit un peu en vase clos, avec une économie à l'époque rurale qui se porte bien. C'est pas encore un paradis fiscal, elle est devenue par la suite, c'est juste un petit paradis rural et les gens y vivent modestement de la culture des pommes de terre et ils élèvent des petites vaches. Bref, on n'y déplore aucun fait divers et cette île de Jersey, protégée par son insularité, elle est complètement à l'abri des désordres du monde. C'est à ce moment-là que intervient, fin des années 50, une première agression sur une jeune fille. Quand je parle d'agression, il s'agit d'agression sexuelle. Osons le mot, il s'agit d'un viol. Bien sûr, c'est des faits qui peuvent se produire partout dans le monde, mais à Jersey, c'est pour le moins surprenant, puisque vous pouvez laisser la clé sur le tableau de bord de votre voiture, personne ne va vous voler votre voiture, tout le monde se connaît. Et donc, c'est un fait extrêmement grave, a fortiori dans une île comme celle-ci, protégée par son insularité. Et donc, la police prend l'affaire très au sérieux. un individu revêtu, je crois, d'accessoires vestimentaires très particuliers, commet des crimes sur l'île. Comment est-ce que ce criminel s'y prenait ? Alors, il s'agit effectivement d'agressions sexuelles, et les victimes décrivent leur agresseur comme revêtu d'un curieux accoutrement. Un grand manteau sombre avec des épaulettes cloutées, des poignées de cuir avec des clous, un chapeau sombre, et puis surtout le visage recouvert d'un masque de caoutchouc. Ce criminel avait pour habitude de venir à la nuit tombée dans le domicile de ses victimes, vêtu de ce très curieux accoutrement. La police, bien sûr, mène une enquête approfondie, se rend compte que ces agressions ont lieu pour l'essentiel le samedi soir, que le criminel pénètre dans le domicile de ses victimes à la nuit tombée, et elle aboutit à la conclusion que de tels crimes n'aurait pu être commis par des étrangers, qui se seraient fait immédiatement repérer dans une petite île où tout le monde se connaît. Et donc, ces crimes ne pouvaient être commis que par un insulaire, connaissant parfaitement les lieux pour pouvoir s'y promener en totale discrétion. Ce qui doit engendrer un climat de suspicion sur l'île et une vraie peur, parce que ça peut être tout le monde, en fin de compte. Alors effectivement, les habitants commencent à s'épier les uns les autres, se barricadent dans leur maison, pour certains cachent un revolver sous l'oreiller, il y a des battues d'organisés, des patrouilles citoyennes, on met en place des barrages sur les routes, notamment dans la partie nord-est de l'île où ont eu lieu la plupart des agressions. Bref, il y a une véritable psychose qui s'empare de l'île de Jersey. À tel point que la police de Jersey demande de l'aide à la Grande-Bretagne, bien que, encore une fois, Jersey soit un État indépendant. On fait venir des détectives spécialisés de Scotland Yard. On fait venir un chien policier parce qu'à Jersey, il y a un seul chien policier et il est un peu vieux. Bref, branle-bas général, et une véritable psychose s'empare de l'île et les gens commencent à se suspecter les uns les autres. Mon cher monsieur, je pense que le moment est venu de vous dire que vous perdez votre temps. Vous ne m'attraperez jamais, car je fais toujours ce que je dis et je ne m'arrêterai pas là. Mais je suis fair play et vous laisse une chance. J'ai toujours voulu commettre le crime parfait. Cette fois, laissons la lune briller très clairement en septembre, parce que cette fois, cela doit être parfait. Je ne suis pas un maniaque, mais j'aime jouer avec vous, messieurs. Vous entendrez parler de moi en septembre et je vous donnerai toutes les clés. Voyons si vous pouvez m'attraper. Donc on a un criminel qui joue avec la police, qui s'exprime dans un curieux jargon, qui nargue les autorités, et cela a pour effet bien évidemment de décupler leurs réactions et les moyens mis en œuvre. Et quelques jours plus tard, le criminel mit ses paroles à exécution en agressant au manoir de la Trinité à Jersey une jeune fille de 15 ans. Oui, donc ce n'était pas des 20 mots que ceux écrits dans un curieux jargon dans cette lettre anonyme, mais le criminel passe à l'acte. Et alors là, les Jerseyais vont commencer à avoir de sérieux doutes sur un paysan surnommé Alphonse le Gastellois. Philippe Renaud, est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme, Alphonse, qui vivait sur cette île, et nous parler un peu du personnage ? Alors, à l'époque des faits, Alphonse le Gastellois, 46 ans, vit effectivement au nord-est de l'île de Jersey. C'est un homme simple, un peu rustre, qui loue ses services comme ouvrier agricole et qui vit très modestement de fruits de sa pêche. Alors il a arrêté l'école à 14 ans, mais il s'y connaît un peu en mécanisme d'horlogerie, il répare un peu quelques machines agricoles. Surtout c'est un original. Il aime se promener à la nuit tombée dans les chemins creux. Pour lui l'heure n'a pas d'importance, il peut dormir toute la journée et sortir la nuit. Il n'est pas marié, c'est un célibataire endurci, mais tout le monde l'aime bien, et même les enfants, quand ils le croisent sur les chemins, lui disent « Alors salut Alphonse, comment ça va ?» Bref, tout le monde l'aime bien. Mais en ces temps d'inquiétude, son comportement, jusqu'alors jugé comme sympathique et original, bien évidemment, il devient suspect. Et donc la police va chercher Alphonse le Gastellois, l'emprisonne pendant un mois, c'est dire si l'affaire, bien sûr, était prise au sérieux, et l'interroge sur ses allées et venues nocturnes dans les chemins. On l'a compris, il a toute la tête du suspect idéal. Et Alphonse Legastellois, ben, il clame son innocence. Et force est de reconnaître qu'au bout d'un mois, et faute de preuves, Alphonse Legastellois doit être relâché. Et donc la police relâche Alphonse Legastellois, qui regagne sa modeste maison dans le nord-est de l'île de Jersey. Mais pour autant, les soupçons ne s'éteignent pas sur l'île. Bien évidemment non, d'autant plus que en 1961, une jeune fille est à nouveau agressée et il se trouve que Alphonse Legastellois connaît bien le père de la jeune fille. À l'évidence, se dit-on, il n'est pas étranger à cette nouvelle agression et il est à nouveau emprisonné et interrogé. Et à nouveau, il clame son innocence avec ses mots, puisque c'est un homme simple, un homme un petit peu rustre, on l'a dit, et faute de preuves, il est à nouveau relâché. Quand il était encore à Jersey, bon, c'est un homme qui vivait seul, qui était journalier agricole, donc un peu frustre, et qui avait des habitudes un petit peu originales. Donc il circulait beaucoup à pied, dans les petits chemins, y compris la nuit, ce qui lui a valu après d'être montré du doigt. Mais il y avait effectivement une partie de la population de Jersey qui s'est mis en tête que c'était forcément lui, quoi. Au point que, à un moment, quand les meurtres et les viols se sont poursuivis sur Jersey, les gens de son entourage, enfin de son environnement, étaient de plus en plus persuadés que ça devait être lui. Et on commence à l'éviter, voire à l'insulter. Un soir, des hommes jettent des cailloux sur sa maison, vont jusqu'à en casser les carreaux, et Alphonse Legastellois commence à craindre pour sa vie. L'opinion publique veut un coupable. Inquiet par l'attitude de ses concitoyens, prenant peur pour sa vie, Alphonse Legastellois décide de partir quelques jours, sur les conseils de son avocat, se réfugier sur ces cailloux, sur ces rochers des écréoux, qui sont des îlots très difficiles d'accès, inhospitaliers, inhabités, incultivés, au milieu des flots, à mi-chemin entre l'île de Jersey et les côtes normandes du Cotentin. Et son avocat lui dit, ben, écoutez, vous devriez peut-être rester quelques jours, j'ai une cabane là-bas où je connais une cabane, puisqu'il y a des toutes petites maisons, grandes comme des cabines de plage, restez donc là-bas un petit peu le temps que ça se calme. Et finalement, il n'est pas resté quelques jours. Eh bien, il est resté beaucoup plus longtemps que ça, et c'est d'autant plus surprenant que, quelques temps après ses premiers jours d'exil aux écréoux, les violences à l'écart des enfants continuent. Et donc, Alphonse Legastellois, à l'évidence, n'est pas l'auteur de ces crimes. Et on lui demande humblement de revenir à Jersey. Mais meurtri par l'injustice de ses concitoyens, il décide de rester tout seul, comme un ermite solitaire, sur ces cailloux désolés des écréoux. Le coupable fut arrêté quelque temps plus tard. Il s'appelait Pennel, Édouard Pennel. Il était maçon. Monstrueux satyre sous une façade de père tranquille. Il fut jugé et condamné à 30 ans de prison. Lui aussi devint une figure de l'île, le Gilles de Rais de Jersey. La bête était terrassée, mais Alphonse, humilié et obstiné, décida de rester sur son île. La bête de Jersey est arrêtée le 17 juillet 1971. Édouard Pennel, l'auteur des crimes, est reconnu coupable de 13 agressions sexuelles et condamné à 30 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour Alphonse Legastellois. Ce paysan, chassé par les ragots, a mené une vie solitaire pendant près de 14 ans sur des îlots situés à la pointe nord-est de l'île de Jersey. Les écréoux, un affleurement de roches au milieu de nulle part, un chapelet de brisants perdus et submergés par la marée. Situés à un peu plus de 7 milles de Carteret, ces îlots sont aussi surnommés la Bigorgne, la Pierre aux Femmes, la Serre à Rien du Nord, la Brebis ou encore la Grosse Tête par les pêcheurs des environs. En effet, n'accède pas aux écréoux qui veut. Ces rochers de légende ont aussi la réputation d'être des cailloux très mauvais, pour citer encore Victor Hugo. les difficultés de navigation autour de l'archipel obligent à une certaine prudence. Bruno, originaire de Carteret, faisait partie de ces plaisanciers qui rendaient régulièrement visite à Alphonse le Gastellois. Avec lui, nous prenons le large et refaisons la traversée. On pourrait peut-être trouver un petit peu d'air en se dégageant. Muscade, c'est le nom de votre voilier, Bruno? Oui, Muscade, c'est le nom du voilier. On peut le décrire un petit peu? Eh bien, c'est un bateau à voile en aluminium qui fait un petit peu moins de 14 mètres de long à deux coques, qui a une longue histoire, puisqu'il a maintenant 18 ans, ce bateau, et il a traversé 4 fois l'Atlantique, il est rentré par l'océan Indien. Il a eu droit à un cyclone dans sa vie. Tout ça a été avec son précédent propriétaire. C'est un bateau que j'ai acheté il y a de ça maintenant une dizaine d'années. Et alors, les conditions sont bonnes pour la traversée ? Alors, les conditions sont bonnes sur le plan de l'ensoleillement. Par contre, alors que nous avions trop de vent hier pour pouvoir aller aux Écréous, aujourd'hui, on en manque un petit peu. Et donc, nous risquons de faire une traversée voile et moteur, sauf à arriver en fin de soirée aux Écréous et à ne pas avoir le temps de rentrer pour la marée de ce soir. Alors là, on sort du port de Carteret. Donc, on a Carteret derrière nous. Est-ce qu'on peut déjà apercevoir les îles à l'horizon ? Alors, on voit effectivement très bien Jersey, qui est noir sur l'horizon. Jersey qui est à 15 milles d'ici. Et on aperçoit les Écréous qui sont entre nous et Jersey, qui sont une bande de petits cailloux très bas sur l'eau, mais que l'on commence à distinguer. Ici, on est à 8000 des Écréous. 8000 nautiques, donc ça fait 13 kilomètres. C'est un des marnages les plus importants, paraît-il ? Le marnage le plus important est dans la baie du Mont-Saint-Michel, un petit peu plus au sud, mais là, il y a effectivement des marnages très importants qui, en grande marée et très grand coefficient, peuvent atteindre une douzaine de mètres. Ça veut dire que la mer monte et descend d'une douzaine de mètres. Il faut plutôt être un navigateur averti comme vous pour s'hasarder dans ces parages. Alors, c'est pas un exploit que de naviguer ici. Mais effectivement, ce que l'on dit, c'est que quand on a navigué dans le coin, on peut naviguer à peu près partout, au bord des côtes, j'entends. Là, Bruno, on croise un bateau de pêche. C'est assez poissonneux autour des îles, justement. Alors, on y pêche effectivement les crustacés, donc les crabes et le fameux homard de Carteret. Et on pêche également les bulots en grande quantité. Et c'est fréquent d'aller sur les Écréous, comme aujourd'hui, pour vous ? Alors, c'est sinon fréquent, du moins une destination régulière, ordinaire pour le bateau. Jersey et les Écréous étant les deux points les plus proches de Carteret, donc les points vers lesquels on se dirige le plus volontiers. Sophie Poiret, lorsque Alphonse le Gastellois vient s'installer en 1961 sur les Écréous, quel était le statut de ces îlots ? Alors, ce sont des îlots qui dépendent du bailliage de Jersey et qui abritent quelques maisons reliées entre elles à marée basse, mais qui peuvent être complètement isolées sur des rochers à marée haute et qui sont des petites maisons sans électricité, sans eau, appartenant à des pêcheurs ou à des habitants de Jersey dont c'est la résidence secondaire. Mais personne n'y vit à l'année. Donc, Alphonse Gastellois, lui, va y rester toute l'année pendant 14 ans. Seul, avec de temps en temps la visite des pêcheurs venus de Jersey ou de France, des côtes françaises, de Carteret notamment, qui viennent lui apporter des vivres et des vêtements. Jean-Marc, vous êtes directeur du port de Carteret et vous avez connu Alphonse le Gastellois. Vous avez d'ailleurs même un carnet où on peut voir des photos de lui. On va pouvoir un peu le décrire, Alphonse. Effectivement, Alphonse, on l'a connu un peu, on l'a fréquenté. C'est-à-dire qu'en 61, il débarquait, il ne savait pas combien de temps il allait rester, il ne savait pas ce qui allait se passer. Alors que nous, dans les années 70, il était déjà devenu un ermite et un personnage marquant des Écréaux. Il ressemble à un plutôt grand monsieur, costaud, barbu, évidemment, comme tous les ermites, bonnet de laine en permanence sur la tête, et petites lunettes, parce que, avec l'âge, il y a besoin de lunettes. Et sinon, l'aspect général vestimentaire, c'était souvent très, très aléatoire. Quand des amis lui remettaient des vêtements, il pouvait être, pas élégant, mais à peu près standard. Et par contre, le reste du temps, il y a différentes photos d'ailleurs, il est fagoté comme un sagouin. Il a une espèce de veste de ciré qui est complètement mangée par les mites. Il a une ficelle qu'il tient, il est toujours en bottes. Des grosses bottes pour aller dans les cailloux. Et d'une façon générale, il ne respirait pas de l'hygiène. Tu tournes la clé. Et voilà, la magie. Ça, où est la clé? Sinon, ça va couiner. Ah oui. Bruno, ce plateau rocheux qu'on aperçoit à l'horizon, ce sont les Écréaux. Exact, ce sont les Écréaux et on voit distinctement Marmottière, la petite île qui est la plus habitée, si j'ose dire, qui est sur la gauche de ce grand banc de galets, et sur la droite de ce même banc, on voit Blanc-Île, qui est un petit îlot avec deux maisons dessus. Il y a trois îlots. Il y a trois îlots avec des maisons dessus, il y en a même cinq si on veut bien, mais les deux autres îlots ont la taille exacte de la maison qui est établie dessus. Donc c'est plutôt des cailloux que des îlots, mais il y a effectivement la Blanc-Île, Marmottière, la Maître-Île ou Maîtresse-Île selon qu'on le dit en français ou en patois, la Grande Brecque et la Petite Brecque. Quand on passait aux Écréaux, j'avais remarqué Alain Blancheton. En effet, qu'il y avait un personnage un peu bizarre avec un machin de plastique sur la tête, un plaid qui était là, était comme hiver. Bon, mais je n'avais pas posé ni question ni quoi pendant au moins une première année. Je lui avais juste dit bonjour. Et puis, au bout d'un certain temps, on ne disait pas « je vais aux Écréaux ». On disait « je vais voir Alphonse ». C'était un terme qui signifiait « je vais aux Écréaux ». Je m'en vais voir Alphonse. Ou « j'ai été voir Alphonse la semaine dernière ». Alors c'était devenu un petit peu un synonyme du mot « Écréaux ».« Je vais aux Écréaux », »,« je vais voir Alphonse voilà. ». Et vous avez fait partie donc de ces navigateurs qui venaient lui apporter des vivres? Très peu de gens faisaient ça. Des gens de Jersey qui étaient pros, la partie pro, on va dire 50-50, mais c'est peut-être pas exactement ça. Les gens qui étaient pros amenaient régulièrement. Même aller plus loin, le temps passant, ils lui laissaient la clé. Alphonse, est-ce que tu pourras veiller quand il y a des coups de vent, voir ce qui ne va pas dans la maison? Et puis, n'hésite pas à prendre des conserves si tu as besoin. Donc, ce n'était pas amener quelque chose, tu dis, tu peux prendre. De l'autre côté, des gens comme moi, qui avaient compris un petit peu la chose, j'amenais des choses fraîches. Plutôt la salade, des légumes, des choses comme ça. Du pain frais aussi, mais le pain frais, il n'est pas longtemps frais. Et ça lui plaisait bien. C'est quelqu'un qui n'a jamais dit merci. Prenez votre cajot, en parlant, vous posez le cajot là où vous êtes, et puis vous parlez d'autre chose. Et puis, une heure après, hop, le cajot a disparu, il a emmené le cajot. Jamais, c'est pas des effets. Oh, merci. Non, c'est pas ça. C'est un taiseux. Il dit rien, mais il apprécie. Et dans son mental, il crée une espèce de sympathie, d'empathie avec quelques personnes. Et vous imaginez l'hiver, quand il fait froid, moi j'y suis allé l'hiver. Le vent souffle aussi sur ces îles, on se demande comment ils se protégeaient des attaques de la mer lors des tempêtes aussi. Vous savez, les attaques de la mer, c'est un groupe de cailloux. Donc la mer formée se casse avant, même à pleine mer. Il ne faut pas imaginer comme ça. Ça, c'est un problème de citadin qui rentre chez lui dans son appartement de ville le soir. Mais ce n'est pas un problème pour Alphonse. Un peu délicate. Aux Écréaux, un petit peu plus que partout. puisque c'est au milieu de cailloux, sans qu'il y ait de balisage et avec un très fort courant. On ne va pas du tout aller directement là où sont les petites maisons. On va faire un grand détour par le sud de l'archipel et on va embouquer un chenal, on dit un sund, comme en Norvège, qui va nous mener au pied de Marmottière, la petite île la plus, avec les maisons dessus. Alphonse, lui, n'était pas pêcheur, ne naviguait pas. Non, Alphonse n'était pas pêcheur. À l'origine, il était journalier agricole, ce qui ne le prédisposait pas à aller passer plus de 10 ans de sa vie sur un caillou au milieu de l'eau. Par contre, Alphonse, il habitait sur Marmottière, cette petite île, et il disposait dans une des maisons d'une longue vue, ce qui fait qu'il connaissait et il reconnaissait les bateaux et il en avait quasiment un registre dans la tête. Il savait parfaitement si on était passé la semaine d'avant au large. Ben, on va peut-être quand même remettre la moulinette parce que sinon on va arriver à point d'heure. Ah oui, midi moins le quart. Oui. L'heure de l'apéro approche. Oui, on ne peut pas rester comme ça, planté. Ça ne serait pas. Des écréous et là vous allez installer le pavillon de Britannique et non de Jersey. Oui, alors nous sommes maintenant dans les eaux de la couronne, donc il est d'usage d'envoyer un pavillon aux couleurs du pays dans lequel on arrive, on navigue. Nous sommes dans le bailliage de Jersey, c'est d'un point de vue administratif, donc il devrait envoyer le pavillon de Jersey qui est une croix de Saint-André rouge sur fond blanc. Et en souvenir d'Alphonse, et parce qu'Alphonse ne voulait pas se reconnaître comme dépendant de Jersey, je n'envoie jamais le pavillon de Jersey aux écréous, j'envoie toujours le pavillon britannique, le Red Ensign, celui que l'on peut envoyer dans tous les territoires de la couronne britannique. En hommage à Alphonse. Pardon ? Bah, hey, on est dessus, je pense. Ah oui ! On est passé comme des avions. Bruno, on est arrivé là. Là, nous sommes en train d'arriver. Nous sommes en train de manœuvrer dans le courant pour attraper une bouée. Ce qui n'est pas si simple. Et à quoi va servir la bouée ? Alors la bouée, elle permet de s'amarrer, elle flotte donc, et sous la bouée, il y a une grosse chaîne qui est reliée au fond, et au fond, il y a ce qu'on appelle un corps mort, c'est-à-dire un gros bloc de béton qui va permettre de tenir le bateau sur le mouillage, à l'endroit où nous sommes. Et on va venir nous chercher ? On va soit venir nous chercher, soit nous allons mettre à l'eau notre annexe pour débarquer. C'était l'ermite des écréous, avec Philippe Renaud, auteur de l'ouvrage Le Royaume des écréous, Bruno et Jean-Marc Hébert, Alain Blancheton et Sophie Poiré, maître de conférence en histoire du droit à l'Université de Caen. Merci à Nathalie Barraud, Alice et Lucien Jacquelin. Archivina, Anne Brulant et Sabine Bonamy. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Lénora Krief et François Teste. Après avoir accosté, Lénora Krief et François Teste nous entraînent demain à 13h30 à la découverte des écréous. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.